avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado diffusion. Pas de problème! 1982! Yeah! Non, juste 82. Alors, bonjour, ici Frédéric en compagnie d'Antoine Vézina. Salut Fred! Frédéric Barbouchy. Hein, mm-hmm. J'ai oublié de dire yes. Mon nom de famille. Tout d'un coup qu'on pense à quelqu'un d'autre. Jean-Philippe Durand. Salut Fred, salut Antoine. Salut. Ça va vous autres? Et ouais, Mathieu Bouillon. Bonsoir! Ça marche pas. Messieurs, alors, petit retour sur nos balados devant public? Oui, mm-hmm. Moi j'ai capoté. Quand est-ce qu'on refait ça? Bientôt! Moi j'ai beaucoup apprécié, on a eu des commentaires très positifs. Ouais. L'idée de faire ça dans un bar et de boire en même temps a donné une magie. Oui. Qu'on retrouve pas à l'écoute. Non, l'alcool fait souvent ça, j'ai l'impression. Je pense que... Aussi, c'est le fun d'avoir des gens qu'on connaissait pas. On s'attendait à voir nos amis. Moi, je m'attendais à voir la famille de Fred. Je me disais, ah, ça va être lourd. Oui. Dire, en plus, c'est ma fête, ils sont pas venus. Ben, c'est ça, ils sont même pas venus. Donc, une chance c'est que c'était ta fête. Sans ça, ils seraient peut-être venus. Mais voilà. Mais vraiment, merci aux gens qui se sont déplacés. Oui, merci. Je tiens à saluer mon frère qui est un de nos plus grands fans. Oui, et puis on va reprendre l'expérience, surveiller vos journaux. Et j'imagine que dans le coin d'octobre, là, notre centième... Ah, la centième! Hein? Oui! Hein? Quelle belle idée! Hein? Le podcast déguisé à l'Halloween qu'on va faire. Oui! Ou notre octobre Fred, ça pourrait être ça. Ah! Oh! La joke de trop. Ou le Mattober. Ah! OK. Non. Alors, messieurs, cette semaine, une première. Oh! Oui. Parce que... On va vous dévoiler notre problème et ensuite, on va vous dévoiler notre première. C'est la première fois qu'on fait ça. Wow! Hey, OK, go. C'est spécial. On l'entend un petit peu, non? Jean-Philippe, t'es comme un classique. T'es je vais un lire, classique ça me fait pour plaisir. Toi, tu les lis tout le temps, puis ouais, t'es bien bon. Ah, je te remercie, Fred. Depuis surtout qu'on que... édite... Depuis qu'on coupe. Ouais. Combien quelqu'un de meilleur. Quand tu prends la voix de la personne qui nous a écrit aussi. Ouais. Parfait. C'est André Lachapelle. Ah, arrêtez. Allons-y, là. Ouais, mon mari, André Melançon. Hey, j'ai clairement autre chose ce soir. Donc, c'est un problème qui nous vient de Marie-Michel Bernier. Le voici. Bonjour, moi j'ai un gros problème. Cela fait maintenant 4 fois que je vais chez le médecin pour ma cheville et cela fait maintenant 4 ans que je suis dans une école professionnelle de danse hip-hop et je ne sais plus quoi faire pour continuer. Ma cheville fait trop mal pour que je continue, mais c'est ma passion et je trouverais ça triste d'arrêter, déjà que ça fait 3 mois que j'ai arrêté... Avec vous, je comprends. Ouais. Syntaxe surprenante. Une solution pour ma cheville. Merci d'avance, Marie-Michel, 19 ans. Ah oui, pas et maintenant, on a... invité cette semaine notre premier spécialiste. Wow! Mm-hmm. Oui. Alors, je vous présente Sébastien Fogg. Bonjour, Sébastien. Salut, Fred. Ah, attends. Bruit de porte. Voilà. Je vais revenir. Hey! Salut, salut la gang! C'est rare. Bien, attends. Alors, Sébastien, peux-tu te présenter en... 8 phrases. Ouais, 8 phrases. Je vais commencer vite. Tout comme le pas de problème d'aujourd'hui, j'étais danseur avant. Professionnel? Oui, professionnel. Tu fais le tour du monde? Oui. Ou la moitié? Pas mal l'Europe. L'Europe. J'ai dansé à des belles places. Déjà beaucoup. Ouais, on va se vanter un peu. Là. L'Opéra de Paris, On est un spécialiste. Oui, c'est ça. Puis, malheureusement, il m'est arrivé une grosse blessure à la cheville. Non, assez solide. Là. Pas quelque chose de petit. Un horrible accident de motocross. Ouais, c'est ça. Je faisais les X Games, en fait. Puis d'un coup, on a fait alors fini la danse. Le seul danseur. Ben non. J'étais en répétition, donc grosse blessure, blablabla. Puis ça a été long. Diagnostic, examen, blablabla. Puis finalement, diagnostic final, c'est opération, puis fin de carrière, c'est terminé. Alors après ça, ben heureusement, la CSST existe. Donc. En Europe? C'est ça. Non, au Québec. Puis on m'a repayé une nouvelle carrière. On m'a renvoyé à l'école parce que j'allais pas pouvoir continuer mon métier. OK. Alors maintenant, je suis masso-kinésithérapeute. Donc je dis aux danseurs de ne pas faire ce que j'ai fait, puis je m'occupe de leur corps. Et de madame tout le monde aussi. Okay. Moi, ça me fait juste penser à... Des fois, crise et opportunité. Tout à fait, ouais. Ah, arrêtez de prendre mes phrases à chaque fois. C'est pas toi, toi. Mais blessure aux chevilles, est-ce que c'est le grand classique chez les danseurs? un grand classique. Un grand classique, il y en a d'autres. Parce que c'est pas mal toutes les articulations. OK. Ouais. Oh, oui, celle-là est pas mal sollicitée. Là. Mais oui, on danse plus sur les pieds que sur les mains. Ben, la flexion plantaire. Mais quand même. Là. Ouais. Hein, c'est, on n'est pas habitué de faire ça, mais on en fait beaucoup en danse. Ouais. Et toi, en particulier, est-ce que c'était le syndrome tibio-talien postérieur? Non. C'était autre chose. C'était un autre problème. Autre chose. Non, mais nomme l'autre, là. Ben, en fait, non, mais je parle du syndrome tibio-talien postérieur. Peux t'en parler aussi, là. Parce que, selon mes humbles recherches, je disais que c'était le grand classique. Okay. C'est le problème régulier chez les danseurs. Puis ça peut soit se régler tranquillement ou sinon, ultimement, l'opération, qui peut évidemment réussir ou non, comme dans ton cas. Mais, Sébastien, as-tu un nom scientifique, toi, pour ta blessure? Ben, en fait, moi, on va faire... c'est un peu dégueu, mais c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu une implosion de la cheville. Arrête! Oui, donc par compression... Il y a un trou noir qui s'est créé. Il y a un vortex, j'ai un vortex dans la cheville. Ah, c'est ma cheville vient en 1870. Oui, c'est ça. J'ai un vortex dans la cheville. Arrêtez donc pour une fois que c'est intéressant ce qui se passe. Okay, excusez. Donc, ce qui est arrivé, c'est que par compression, à cause du poids et tout ça, c'est la cheville a éclaté. Donc, j'ai eu des os qui ont éclaté. Pourquoi? Parce que j'avais un os en surplus. Qu'on appelle un os trigonome, en fait. Ouais. 10 % de la population l'ont. Ah ouais. Et c'est un affaire qui date de l'époque où nous étions des singes. OK. Mais tu savais que tu avais cet os-là? Adam et Ève. Tu savais que tu avais cet os-là? Non, c'est à ce moment-là. Là, ils ont dit, bon, voici ce qui est arrivé. La plupart des gens vivent leur vie avec puis ça. On le saura jamais. Ils l'auront seulement à droite ou seulement à gauche ou les deux. Ou c'est importe. Particulier quand même. Oui, c'est ça. Puis moi, bad luck, là. Alors, plus qu'une bad luck, là. Bad luck. Donc, Marie-Michel... Une des solutions serait de savoir exactement ce qu'elle a, parce que là, est allée chez le docteur. Trois fois. Quatre fois. Pas si c'est le même, là, mais on fait un signe, là. Non, on fait pas de signe. Non, mais nous, on veut... Parce qu'en fait, là, dans le petit mot là, qu'il nous a envoyé, il nous manque beaucoup d'éléments de réponse. Est-ce qu'il y a eu des X-rays? Des rayons X. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a eu des rayons X? Est-ce qu'il y a eu une résonance magnétique? Est-ce que c'est ligamentaire? Est-ce que c'est osseux? Ça nous prend quelques petites conclusions c'est-tu juste un cartilage? C'est-tu juste un os qui est déplacé? C'est-tu un manque de mobilité entre deux os? Si oui, lesquels? Donc, il y a plusieurs facteurs à une blessure. Là, on n'a pas nécessairement ça, mais si tu es allé déjà 3-4 fois, tu as certainement certaines réponses. Sinon, il faut continuer d'investiguer. Ça, c'est ce que je lui dirais de faire. Là. Et au lieu d'aller voir un généraliste, d'aller voir quelqu'un de spécialisé, comme toi, par exemple. Quoi? Ça rentre dans la grande famille de la médecine sportive? Ou un chaman. Oui, la médecine holistique. Parce qu'il disait que parfois, on peut corriger. Chez les ballerines, par exemple, ils peuvent changer de chaussures. Ça peut les aider, type de chaussures. Ou même dans leur technique même de flexion, peuvent amener à corriger ces problèmes-là. Qui peuvent être récurrents souvent, non? Elle danse en botte lunaire. Peut-être que... Oui, là, elle fait du hip-hop. Oui. Hippity-hop, qu'on dit, je pense. Puis là, ce que Antoine disait, en fait, c'est probablement par rapport à la pointe. Donc ça, c'est ça. Là, on parle de hip-hop, donc c'est on parle d'un beau gros running shoe, souvent trop pesant. Mm-hmm. Et donc, peut-être mal attaché aussi. La plupart du temps, pour le look. Parce qu'évidemment, j'élargis le sujet à nos chevilles en général, messieurs. Oui. Des bonnes chaussures. T'es tout le temps fâché. D'ailleurs, c'est ça qui est écrit sur ton chandail. Je suis tout le temps fâché. Oui. C'est un très beau chandail. C'est une photo d'épinard. Je comprends pas le lien entre la phrase et l'image. C'est ça, la blague. OK. Et une bonne paire de chaussures, des fois, là, tu sais, on est content d'avoir des bonnes chaussures, puis on les traîne pendant 2 ans, là. 6 à 8 mois. Maximum. Selon les spécialistes. Ben, voyons. Ben oui. Tu sais, t'es content, mais sinon, parce que là, tes usures et tes défauts ne font que s'accentuer. Mais toi, Sébastien, t'as fait quand même du hip-hop longtemps. T'en faisais, non? J'en ai fait. Parce que j'ai déjà vu dans un spectacle d'époque, même, dans mon souvenir. C'est vrai. Est-ce que le hip-hop, c'est ça? Oh, oui, j'étais là, j'ai vu ça. Hippity-hop. Est-ce qu'il y a des styles de danse qui sont plus dangereux, statistiquement parlant, que d'autres? Pour la danse, en fait, oui. Aussitôt qu'on touche à la pointe en ballet, là, c'est assez... Oui, parce que là, à ce moment-là, en mettant le pied sur pointe, c'est toutes les faiblesses de la cheville sont exposées. Ah oui, OK. Donc, c'est une belle manière de se clair. C'est pour ça que les carrières sont très courtes aussi. Oui. Okay. Oui, ça et plein d'autres facteurs aussi. Oui. La drogue. Oui, c'est ça. La grossesse. Si on ouvre une petite parenthèse sur la danse érotique, mm-hmm. ça aussi, il y a des dangers. Là, oui, les talons sont très hauts. Faudrait pas qu'elle aille là-dedans. Là, non, faudrait pas. Ben non, la sortie du bar est très dangereuse. Ouais. Pas partager sa couverte quand tu fais une danse sur couverte. Il y a tout ça pour vrai. Ça, je commenterai pas. En tant qu'expert, j'en parlerai pas. Ils en font pas depuis l'entorse. Mm-hmm. Ah. L'entorse, hein, ça arrive souvent. Mm-hmm. Surmenage, mm-hmm. courbé à l'excès, des tendinites, l'inflammation des tendons, des bursites. Mais évidemment, il y a des maladies aussi, là, peut-être que là, ça va trop loin, mais comme la goutte, par exemple. Oui, la goutte. Oui, ou le polyarthrite rhumatoïde qui peuvent aussi toucher la cheville. Mm. Non, mais tu l'as dit, investiguer, c'est quoi qui se passe avec elle? Tout ça est peut-être juste un mauvais corps au pied aussi. Là. Très mauvais. Très mauvais. Puis un très mauvais médecin. Une paire de bas avec des comme des gants là, pour les orteils. Ah, peut-être oui. C'est ça qui la blesse. Ça, c'est très pop, ça. Et est-ce qu'il y a moyen, donc, d'éviter ces blessures-là? Est-ce qu'il y a des danseurs qui font... Moi, j'arrive. Je fais pas avec ça. La technique. Ouais, c'est ça, mais il y a plusieurs, choses que tu as dit. Le surmenage, exagéré. Parce que malheureusement, en danse, il y a beaucoup de gens qui veulent réussir et c'est une machine, le corps, qu'il ne faut pas trop pousser. Il faut lui permettre de se reposer, tout ça. Puis dans son cas, elle disait, je ne veux pas arrêter. Mais des fois, arrêter, reculer, c'est pour mieux aller de l'avant. Puis c'est le temps de le faire dans l'hip-hop parce qu'il y a une espèce d'attitude hip-hop. Elle peut être juste sur le côté, tu sais, chiller solide, pas croisé, on va aller promener quelque part. Le passé. Tu sais, hip-hop quand même. Hein? C'est pas déjà terminé. Non, ça commence, Quelqu'un alors... Ah, c'est parfait. C'est pas l'expert. Hein? Hey, on en profite pour saluer les gens de Sonar. Allô? Oui! Des professionnels. Laissez-le. Sébastien, j'ai une question pour toi. Une question. En danse, par ma grande connaissance de la danse, qui passe par les émissions de danse, évidemment, il y a une espèce de peur de l'opération, j'ai l'impression, où tous les danseurs qui ont des blessures continuent de danser sur leurs blessures plutôt que de se faire opérer. So you think you can hurt yourself? Oh! C'est ça, exactement. You think you can die. Mais je me demande, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que cette peur-là est réelle, éprouvée, ou il y a beaucoup de danseurs qui continuent de danser après opération? Il y a deux peurs là-dedans. La première, c'est pas juste de l'opération. C'est la peur de si j'arrête, aurais-je d'autres contrats un jour? Ouais, c'est ça. Je veux pas, parce que c'est un milieu qui ça bouge vite. Faut être jeune, faut être en forme. Tu sais, je veux dire, c'est comme des athlètes. Tu fais pas ta carrière à 45 ans. Ouais. Donc, tu le fais tôt. Donc, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, l'opération, c'est pas comment ça va revenir par la suite. Même si la science est incroyable, puis que moi, il y avait juste quelques chirurgiens qui pouvaient toucher à ma cheville. Ce que j'ai en ce moment, là, les petites limitations qui me restent de ma chirurgie, c'est au-delà de ce que je pouvais espérer. Mm-hmm. En premier lieu, on m'a dit « Tu ne remarcheras plus jamais normalement. » Mon Dieu! Donc, je suis loin de là. Là c'est quand même étonnant que tu marches, ton pied est vraiment à l'envers, là, je le vois. Là. Oui, c'est ça. Il faut que j'aille changer mes bandages. Mais tu marches et... Puis je suis retour au sport. Et penses-tu... Revenir à la danse un jour? Ouais. Non. Non? Malgré ses limitations. Tu n'as même pas pensé à certaines alternatives comme une armature en métal qui ne fait pas bouger. Être le danseur au pied de ciment. Mm-hmm. Ou le danseur médiéval avec une armure, quelque chose comme ça pendant les fêtes. Non. Ouais. Non, ça m'intéresse. Ou, là, je sors mes solutions, là, mais tu sais, c'est quoi la gogosse à Guillaume le Métivierge là, pour être en apesanteur? Le parachute. Le gros vent d'en face. Oui, le gros vent d'en face. Je pense que c'est ça. L'aérodrome. L'aérosnoute. Mais danser là-dedans? Oui, mais... Ou devenir astronaute? Danser dans l'eau, tu sais, danser dans l'eau. T'as-tu pensé à ça? Non, mais... Par mais chance, t'es pas obligé. Ici, là. Là, j'ai déjà quelques éléments... En fauteuil roulant. Fauteuil roulant. J'ai vu d'excellents clips sur YouTube des gens en fauteuil roulant qui arrivent très bien à s'exprimer par la danse. Puis il y en a qui dansent avec leur chien. T'es pas obligé. Ouais. À cause de la blessure que moi j'avais, c'était par peur de ce qui pourrait arriver. Ouais. Parce qu'on m'a dit, fais attention, ça c'est précaire jusqu'à la fin de tes jours. Fait que tu dis, je ne prendrai pas de chance. Ouais. On va passer à autre chose, mais je ne crois pas que madame ce soit ça. Mais si c'est professionnellement, OK, tu as mis un X là-dessus de peur que ça repète, mais avec tes amis comme ça, juste sur un pied, de la bonne musique pendant une soirée. Ah, ben ça. On m'appelle la Dance Machine. Oh! Ah ouais? Oh! Bon, tu peux toujours faire le robot! Oui, oui, oui, oui. En parlant de robot, il y a le iFoot de Toyota. Je ne sais pas si vous avez vu ça. OK, non. C'est comme une espèce de d'œuf dans lequel tu t'assoies, mais qui a des pattes, qui te transporte. Oui. Ah, mon danser. Dieu! Oh! Ouais, ça marche. Ah. Mais je l'ai vu dans certaines chorégraphies, c'est exceptionnel. Ça doit pas être tu veux danser comme... Écoute, une fortune, il y en a trois, je pense, au monde. Sinon, le MIT a travaillé sur une nouvelle cheville artificielle, c'est vraiment le pied, la cheville artificielle, qui donne un mouvement relativement naturel de marche. Évidemment, ça vise d'abord les amputés. Mais la technologie va peut-être permettre un jour ça, où on parlait d'exosquelette d'aider. Puis aussi les types de danse, là, j'ai un ami à moi, là, Jacques Poulain-Denis, qui lui, carrément, il lui manque un pied. Okay. Il a sa compagnie de danse, et il est chorégraphe, et il danse comme ça avec sa prothèse. Et c'est un esthétique, ça amène une autre valeur au spectacle, là, si on parle du contemporain. Mm-hmm. Mais il y a des choses possibles. Mais c'est pas parce que... Oui. Justement, se faire... faire un pied. Mais voilà la solution pour Marie-Michel. Parce que l'autre était déjà fait. C'est vrai que, mettons, la blessure peut peut-être inspirer quelque chose aussi, des mouvements. Ou, peut-être même dans le hip-hop, là, peut-être, c'est quand même souvent des chansons qui parlent de déchirement, de blessures au sein du ghetto. C'est pas du country, ça? Oui, aussi. C'est cool aussi dans le hip-hop d'avoir une blessure de guerre. Ouais, hein? Comment tu t'es fait ça? Hein? C'était un battle là, dans une ruelle, j'ai trop dansé. J'ai botté une poubelle. La billette, tu m'as shoté dans le pied. Mais c'est ça, peut-être justement, commencer à ramasser de l'argent, beaucoup d'argent, pour investir, justement, quand la technologie va sortir. Oui, Marie-Michel, garde ton argent. Peut-être même la nanotechnologie qui irait tenir ton pied de l'intérieur, je ne sais pas comment. Mais il y a déjà des avancements là-dedans, parce que c'est branché directement sur les neurones maintenant, on est en pleine recherche là-dessus. Là. Comme de quoi les mouvements que le cerveau envoie au pied, ben, cette armature-là réagit de cette manière-là. Donc, c'est possible de faire avancer le pied et tout. Juste en y pensant, en marchant, il comprend le mouvement. Les mains sont assez avancées quand même. Oui, Fred? Petite solution, peut-être loufoque. Mais tu sais, des fois, on se réveille le matin avec un bras engourdi. Loufoque. Ou on s'assoit, puis là, après, on a une jambe engourdie. Ouais. Tu t'arranges, tu te serres une bonne corde alentour de la cuisse. Oh. Tu sens plus ta jambe. Et là, tu danses ta vie. Comme pour la dernière fois. Ouais, c'est exactement ça. Il y en a-tu, là, c'est ça le danger. Qu'est-ce qui va arriver? Comme les sportifs, là, qui se piquent ou je sais pas trop pour enlever la douleur, pour donner un coup, pour show must go on. Je parlerai jamais de drogue. Qui paye. Non, mais c'est sympa. Ah, mais tu comprends ce que je veux dire? On a cette image-là. Pas de problème. Mais oui, mais tu sais, je veux dire, on a cette image-là. Le sportif blessé, qu'on shoot, qu'on fait lâche pas mon gars, puis qu'il va payer après ça. C'est justement ce qui. C'est une des raisons pour lesquelles ça m'est arrivé, moi. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, t'exagères ses anti-inflammatoires. T'as pas le choix de finir tes contrats, là, au fond. Ouais. T'es là, il y a de la pression. T'es en Europe. T'es à l'Opéra de Paris. Ouais. Tu peux voir, je suis fatigué, je vais passer mon tour. Ouais, non, mais je comprends. Il y a de la pression. Mais donc, oui, c'est comme dans le monde du podcast. Mettons des anti-inflammatoires de bourrer avant un show. Ouais. Ça, c'est la pire chose à faire. Quand tu commences à danser sur autre chose que sur ton corps, c'est la fin. Okay. Mais non, mais c'est pour ça que je dis attacher sa cuisse pour plus sentir sa jambe. C'est génial. Laisse faire la drogue. Donner une bine aussi dans la cuisse, là, ça engourdit toute la cuisse. Ah ouais? c'est pas plus une bonne idée, Fred, ça. Non. moi, j'allais dire aussi, si la danse hip-hop, c'est la passion de Marie-Michel, mais il y a peut-être justement les métiers autour de la danse. Là, elle pourrait peut-être même devenir MC, puis se mettre à écrire son hip-hop sur... Mais comme notre invité, t'es quand même resté dans le domaine. Absolument. Je suis très proche du domaine. Puis veux, veux pas, entre-temps, j'avais vieilli, donc... Je fais autre chose maintenant. Opportunité. Exactement. Crise mais quand même dans ce domaine-là. Oui, Marie-Michel pourrait faire de la chorégraphie. Elle pourrait faire des Yo Mama Joke. Oui. Tu sais, ta mère est tellement grosse que... Des bâtons. Oui, des bâtons de ta mère. Là. C'est drôle, ça. Maquiller Mario Lopez, America's Best Dance Crew. Oh! Fait d'affaires à faire. Puis, maquiller sinon, des abdos. En dessous de ses chandails. Mais le temps peut faire son œuvre design de T-shirt. Oui. Pour Antoine. Pour Antoine. Oui, j'en ai besoin. Hip-hop, messieurs, ça vient d'où? Le terme? Hippity-hop. Peut-être. Hip-hop-notisé, parce que le pouvoir que ça a sur toi. Vas-y donc, Antoine. La source, c'est pas clair. Ah, non. Ben, hip, on pense à hanche, ou on pense encore à in, tendance. Hip, Hop, moi, ben, Hip, intelligence, hop, le saut. Oui. Ce serait des sauts intelligents. Ah. Tu vois? Ah, donc tu sautes. Je sais pas, mais je connais pas beaucoup la hip-hop. Je sais pas si le saut est vraiment essentiel dans ce type de danse. C'est l'espèce de rebond, en fait. Là. Hein, il y a quelque chose là-dedans. Le bounce. Qui est là, le bounce. Ouais. Le bounce. Ça, c'est le rebond. C'est ça. Le... Mais le rapport à l'intelligence, j'aime ça. Comme... Mais le b-boying, c'est... Ça, c'est du break. Oui, c'est ouais, ça. C'est mais ça, ce qu'on a... Ça, c'est quand même une famille, un peu. Ouais, c'est... Mais... En fait, quand on dit hip-hop, c'est la plus grande famille que tu peux pas dire. C'est ça. Puis après ça, il y a plein de choses là-dedans. Hip-hop, c'est comme le breaking, le popping. C'est ça. Ouais. Le locking, le popping, wave, liquid, tout ça, c'est des choses qui vont nourrir. C'est tout dans le hip-hop. C'est ça. C'est ça. Le jerking, le fucking. Excusez. Oh! Wow! C'était pour toi, Mathieu. C'est familial. C'est familial. Yeah! Je vais parler de bebop. Je vais saluer ma mère. Ah, on pourrait faire du beatbox aussi. Ouais. Oui. Exactement comme toi, Mathieu. Non, c'est un bon moyen. Mais vous lui dites d'arrêter de danser. Quelqu'un qui dit que c'est faire du beatbox, ça, c'est un peu du caca. Excuse-moi, mais tu me gênes. Voilà. Bon, et on en connaît tout un. Ouais. Mais finalement, le temps peut faire son œuvre aussi, puis sa cheville peut guérir d'elle-même. Essentiel, le repos. Oui. Le repos. Couche-toi le soir, tranquillement. Quand on consulte un spécialiste, là, quatre fois le même médecin, pour moi, informe-toi si c'est un vrai médecin. Oui, ouais. Puis si ça arrive sud ou rive nord, en plus. Ouais, ça peut tout changer, ça. Il y en a qui sont spécialistes dans le domaine de la danse aussi. Là. Ben oui, c'est aller voir ça. Peut-être se payer ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Ben c'est couvert par la carte solaire, mon gars. Ah, au wow. Ah, oui, OK. Médecin spécialiste, un médecin sportif spécialiste au niveau de la danse. Bon, et toi, là, si tu es danseur, as-tu besoin. Comment on peut. T'as-tu un site Internet? Ben non, j'ai pas de site Internet, mais j'ai une adresse Gmail. Ah oui, lâche-toi là. Ben oui, vas-y, mon gars. Si on a des bobos. On peut même t'ajouter sur Google Plus. Je suis pas très techno, je connais pas ça. Je sais pas c'est quoi ça. On offre une solution aux gens, là. Donc, sfmasso, M-A-S-S-O, @gmail.com. Bon, génial. Ça, je pense que c'est une des meilleures solutions. Ben, clairement, écoute, on a un spécialiste écrit. Ouais. Tu vas avoir un... Sinon, on en a sur Twitter. Vas-y donc. Oui. Une de, ce sera pas long, Vincent Saint-Don, qui a écrit « Danser très lentement ». Et il y a Pascal Gauthier qui écrit « Danser assis au bar comme ben du monde font ». Ah, que c'est drôle, ça! Oui, juste... Oui. Comme mon gars aussi, il danse de même. Ouais. Les petits bébés là, qui font juste shaker là-haut. Ouais, parle encore au de bar. Oui, au bar. Il y a un an. Il y a Jibou qui... oui. Jobou. Oui, non. Qu'on voulait matcher l'autre fois avec notre oui, oui, gars. Oui. Alors, elle écrit beaucoup d'Advil. Oh. Ça, déconseille. Non. Ça, il faut le dire tout de suite. Non, déconseille. Mauvaise solution. Non, on juge pas les solutions, non. Sauf celle de Mathieu. Hey! Et là, Marie-Michel, je parle pas à toi directement, oui. Mais perdre du poids, en général, ça enlève de la pression aux chevilles. Oui, oui, tout à fait. Soulever les talons. Des fois, juste un petit coussinet d'un centimètre, ça peut aider, semble-t-il. S'acheter des beaux Skechers. Repos, glace, soulever, des bonnes chaussures, lâchez pas. Oui, d'ailleurs, c'est à cause de ton chest disproportionné, Sébastien, que tu as eu cette blessure. Oui. C'est mes tu vois, Mathieu, fais attention. Oui, je fais attention. Moi, je danse plus. Je danse plus, mais je pompe mon chest. Je pompe mon chest. Non, je fais des blagues. Mm. Sébastien, t'es parfait. Merci. Ouais. Génial. C'était magnifique. Ouais. Ouais, hey, merci à notre premier spécialiste. Non, merci, déplacé. Merci beaucoup. Très plaisir, merci. Alors, voilà, si vous avez des réponses, des solutions à nous proposer et ou des commentaires... Et où? Des problèmes! Quoi? Et où? Et où? Et où? Quel voulais-je utiliser? Oui, sur Facebook. Oui, voilà. Tout est là. Mm-hmm. Tout est là. D'ailleurs, Marie-Michel va nous écrire la date de son prochain spectacle de danse oui! sur Facebook. Oui! J'espère. Si jamais il y a une vidéo, envoie-nous le lien. S'il y a une vidéo de toi sur YouTube où tu danses, envoie-nous-le. Oui! On va checker ça. D'ailleurs, c'est ça, quand vous proposez des problèmes, là, lâchez-vous loose dans les détails. Nous, ça nous aide beaucoup. À préciser nos solutions, comme devenir astronaute et danser en apesanteur. Ouais. Oui. Brilliant! Avant de vous quitter, on aimerait savoir vos solutions préférées et où la meilleure selon vous. Et où? Et où? Ah, j'y vais clairement avec la cheville artificielle. Oui. Ah ouais? Écoute, let's go. Ouais. Ça fait de la pub en plus. Moi, j'irais pour être la danseuse... avec une botte de métal. Mm-hmm. Oui. Aller voir Sébastien se faire soigner et par la suite prendre son relax en faisant juste de l'attitude sur le côté. L'attitude est pop. L'attitude en l'attitude. C'est ça. Moi, j'irais organiser un dîner avec Chantal Petitclerc pour être inspiré par un exemple de crise et d'opportunité. Tu veux dire faire la loterie? Oui. Ben, Sébastien, as-tu une médaillée olympique? Mille fois. Est-ce que tu as une solution préférée, toi? Alors, je vais conclure avec mon intro, continuer l'investigation, puis pas s'adopter à ce qu'on nous dit. On m'avait dit que j'en marcherais pas, et maintenant, je suis de retour au sport, donc on continue de regarder toutes les opportunités pour elle. Yes! Complètement. On espère te voir danser une dernière fois, Sébastien. Party animal. Oui. Bring me some boombox. And I'll dance. Dance. Peut-être sur notre musique de fin. Oui. Oh. Mais là, messieurs, vous avez un problème. Nous avons un podcast. Merci, Sonar.